tell you about the first and the most important sermon given by the Buddha. This sermon is called Dhammajaggabodhana Sutta, the establishment of the realm of the Dhamma. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier et très important sermon du Bouddha. Ce sermon est appelé Dhammajaggabodhana Sutta, le sermon sur l'établissement du royaume des Dhammas. C'est un sermon très important du Bouddha, et si nous réussissons à l'appliquer dans notre vie de tous les jours, ce sera la meilleure leçon que le Bouddha aura pu nous donner. Du temps du Bouddha, il y avait des maîtres qui enseignaient des pratiques extrêmes, comme par exemple Kama Sukhamlika Nu Yoga. Cette pratique consistait à s'adonner entièrement au plaisir sensuel, à en devenir drogué. Ces gens pensaient qu'il fallait devenir esclave de tous les plaisirs sensuels possibles. L'autre extrême est appelé Atakilamata Nu Yoga. Cette pratique consiste à pardonner à la mortification. On ne mange pas correctement, on ne mange pas assez, on se prive de vêtements, on s'expose à toutes sortes de climats, on reste toujours dans une même posture, par exemple la posture debout, la posture assise ou la posture allongée. Mais aucune de ces pratiques n'est bénéfique pour les êtres humains. Le Bouddha a expliqué qu'il était nécessaire d'éviter ces deux extrêmes et de rester sur le chemin du milieu qui est appelé Majjhima Paṭipada. C'est le noble octuple sentier. Le noble octuple sentier comporte les facteurs suivants. Samadhi, la vue juste ou compréhension juste. Samasankappa, la pensée juste ou l'intention juste. Samavacha, la parole juste. Samakamanta, l'action physique juste. Samajiva, les moyens d'existence juste. Samavayama, l'effort juste. Samasati, l'attention juste. Samasamadhi, la concentration juste. Ces huit facteurs peuvent être regroupés en trois sections. La première, c'est la section ou le groupe de la sagesse. Ce groupe de la sagesse comprend Samadhi et Samasankappa. Le deuxième groupe, c'est le groupe de Sila, la moralité, qui comprend Samavacca, Samakamanta et Samajiva. Le troisième groupe, c'est le groupe de Samadhi, la concentration, qui comprend Samavayama, Samasati et Samasamadhi. Chaque fois qu'il note un objet, un yogi qui pratique la méditation Satipatthana Vipassana se trouve engagé sur le noble octuple sentier, le chemin qui mène à la libération de la souffrance. Grâce à l'effort qu'il fournit, le yogi va pouvoir observer et enregistrer l'objet. Les distractions vont diminuer. Le yogi devient capable d'être attentif de plus en plus souvent et de maintenir son esprit sur les différents objets. Finalement, son attention va se manifester sans interruption. Dans le contexte du noble octuple sentier, ceci, c'est l'attention juste, Samasati. Lorsque l'attention devient continue, qu'elle se manifeste sans arrêt, l'esprit va rester fixé sur l'objet. Ceci, dans le contexte du noble octuple sentier, c'est la concentration juste, Samasamadhi. Si l'effort juste est présent, les kilesas, les impuretés, ne pourront pas pénétrer dans l'esprit. L'effort juste aide à bloquer l'arrivée de ces impuretés, le chemin des négativités ou le chemin des impuretés mentales. Ce chemin est bloqué. En même temps, c'est le chemin de ce qui est positif qui va s'ouvrir. L'attention protège l'esprit contre l'attaque des kilesas. La concentration va avoir pour effet d'unifier l'esprit et de le concentrer, de façon à ce qu'il se maintienne sur l'objet chaque fois que l'objet se manifeste. Ces trois facteurs mentaux, l'effort, l'attention et la concentration, sont Samadhi Kanda, le groupe de la concentration, une des sections du noble octuple sentier. Lorsque le groupe de la concentration est présent dans l'esprit, les kilesas n'ont aucune chance de pénétrer. Le yogi est attentif de moment en moment. Son attention devient de plus en plus précise et focalisée. Les pensées sensuelles, kamavitaka, ne peuvent plus se manifester. Il n'y aura plus non plus de pensées de haine et de colère, viyapada vitaka. Le désir de tourmenter les autres, vihimsa vitaka, va également disparaître. Comme l'esprit atteint l'objet de méditation, il ne se perd pas dans le désir, dans les distractions et dans d'autres formes de tourment. Les pariyotana kilesa, les obsessions mentales, sont ainsi surmontées. En une minute de pratique, Sama Sankapa, la pensée juste, se manifeste à 60 reprises. Sama Sankapa est un autre facteur du noble type sentier. Lorsqu'il y a soulèvement et d'abaissement de l'abdomen de façon ininterrompue, le méditant voit la véritable nature de ces phénomènes à 60 reprises s'il le fait pendant une minute. La véritable nature du mouvement sera perçue, sera comprise par soi-même. Cette compréhension ne nous viendra pas de la méditation de quelqu'un d'autre. Lorsque l'objet se manifeste, il sera vu de cette façon. Et ce sera la même chose pour tous les objets qui vont se manifester. Cette compréhension directe, c'est la vue juste, samadhi. Samasankapa et Samadhiti sont deux facteurs qui font partie de Panyakanda, la section de la sagesse, le groupe de la sagesse du noble octuple sentier. Plus on s'entraîne à la sagesse, plus les impuretés dogmantes ou latentes de Janusaya Kilesa vont être dispersées. S'il voit la véritable nature des processus physiques et mentaux, le méditant va pouvoir pénétrer des couches plus subtiles de la compréhension. Avant d'entreprendre la pratique de la méditation vipassana, le méditant s'engage en général à observer les préceptes moraux. Dans un environnement de retraite, un environnement très pur, il peut être même difficile de les rompre. Si nous sommes capables de maintenir les préceptes moraux purs, on nous mettons fin aux impuretés de transgression, vitikama kilesa. Le comportement physique et verbal va devenir poli, éduqué. La personne devient civilisée et cultivée. Avec le groupe de la moralité, silakanda est présent. Dans silakanda, il y a trois facteurs: la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence justes. Si l'on pratique la méditation, on va progressivement réussir à intégrer la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence justes. Si on ajoute le groupe de la moralité au groupe de la concentration et au groupe de la sagesse dont il a été question plus haut, le yogi détient tous les éléments du noble octuple sentier. Plus le comportement physique et verbal se purifie, plus on ressent de bienfaits. Les actions nuisibles entraînent des conséquences nuisibles, dangereuses et pénibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de soi, sous forme de pensée. Si on évite de renforcer les impuretés mentales en y réagissant constamment, on brise le cercle vicieux. le désir de faire du tort à autrui va progressivement diminuer. Plus les impuretés sont minées par la pratique de la moralité, moins il y aura de répercussions pour soi. Nous devenons tranquilles et heureux, et en même temps nous protégeons les autres. C'est pour cette raison que la pratique de Vipassana est qualifiée de Paramita, ce qui veut dire un travail bénéfique pour autrui. À chaque moment d'attention, chaque fois que le méditant est capable de noter l'objet qui se manifeste, et que la moralité, la concentration et la sagesse sont présentes, à chaque moment d'attention donc, le méditant se libère des impuretés grossières, moyennes et subtiles. Il y aura liberté par rapport à l'obha, le désir, l'avidité, la convoitise et toutes les émotions semblables. Il y aura liberté par rapport à dosa, la colère, l'aversion, la malveillance. Moha, l'égarement, l'ignorance, l'illusion sera également absente. S'il n'y a ni avidité, ni colère, ni ignorance, l'esprit est pur et clair. Vivre avec un esprit qui n'est pas clair, qui n'est pas propre, c'est vivre médiocrement. Par contre, si l'esprit est pur, nous pouvons nous dire que notre vie a atteint un haut niveau. L'esprit et le comportement vont devenir plus raffinés. Étant libres de l'avidité, de la colère et de l'ignorance, nous ne sommes plus troublés. Tout le monde apprécie ces qualités de raffinement et de calme. Les bénéfices sont prévisibles chez les yogis. Mais ces bénéfices vont également avoir une influence sur notre entourage. Un yogi n'agite pas son entourage, et ainsi le monde devient de plus en plus paisible. Remporter une victoire avec la moralité, la concentration et la sagesse est appelé en Pali Dhamma Vijaya, la victoire par le Dhamma. Si on obtient cette victoire par le Dhamma dans son propre petit monde à soi, il n'y aura plus beaucoup de problèmes. Son propre esprit, de même que son entourage immédiat, va devenir paisible et harmonieux. Nous ferons moins de mal, et en conséquence, la société va devenir meilleure. Ce sera plus agréable de se retrouver dans la société. Nous expérimenterons plus de paix, il y aura moins de conflits. Et tout ceci sera bon pour tout le monde. Il y a des gens qui remportent des victoires par les armes ou par la force. Il y en a qui manipulent les autres, qui les menacent, qui leur font peur et qui même les torturent. Toutes ces victoires extérieures s'enracinent dans l'avidité, la haine et l'ignorance, l'obha, dosa et moha. Les conséquences seront toujours mitigées, mais ce ne sont de toute façon pas des victoires par le Dhamma. Ce sont au contraire des victoires à Dhamma. En d'autres termes, des victoires qui n'ont pas de valeur. Remporter des victoires à Dhamma, c'est perdre son intégrité et sa dignité. Et en conséquence, il y aura toutes sortes de problèmes. Le Bouddha nous a offert la méditation Satipatthana Vipassana, un chemin qui mène à la victoire sur soi-même. Si nous remportons cette victoire intérieure, nous allons pouvoir en récolter les bénéfices. Lorsque nous avons réussi à obtenir cette victoire intérieure, notre esprit sera devenu très pur, très calme. Que va-t-il vous arriver, pensez-vous, si vous évitez les deux extrêmes dont il a été question précédemment, si vous restez sur le noble octuple sentier? La réponse, c'est que vous allez certainement découvrir les quatre nobles vérités. Les quatre nobles vérités sont Dukkha Satya, tous les phénomènes conditionnés sont souffrances ou insatisfaisants. Samudaya Satcha, la cause de l'insatisfaction, c'est le désir. Nirodha Satcha, la cessation ou la fin de la souffrance. Naga Satcha, le chemin qui mène à cette cessation de la souffrance. Les quatre nobles vérités comprennent donc la souffrance, la cause de la souffrance, sa cessation et le moyen d'arriver à la cessation. Au cours de la pratique de Satipatthana, le yogi va pouvoir expérimenter directement par lui-même que tous les phénomènes physiques et mentaux partagent cette même caractéristique de souffrance. Lorsque ceci se produit, on dit que la première noble vérité a été vue. Et si la première noble vérité est vue, les trois autres le sont également. On dit dans les textes Pali que nous pouvons voir cela par expérience directe. Lorsque l'attention est présente, chaque fois qu'il y a un phénomène physique ou mental, le désir n'apparaît pas. Si le désir est absent, c'est la seconde noble vérité qui est réalisée. Le désir, c'est la racine de la souffrance. Lorsque le désir est absent, la souffrance disparaît également. Voilà la troisième noble vérité, la cessation de la souffrance, est réalisée lorsque l'ignorance et les autres kilesas sont absentes. Tout ceci se produit de moment en moment, lorsque l'attention et la sagesse sont présentes. Voir la quatrième noble vérité veut dire développer les facteurs du noble triple senti. Ce développement se produit automatiquement à chaque moment d'attention. C'est pourquoi on peut dire que les quatre nobles vérités sont vues par le yogi chaque fois que l'attention, la concentration et la sagesse sont présentes. Lorsque le Bouddha a délivré son premier sermon, un seul de ses disciples, le vénérable Kondana, comprit intuitivement la signification complète des quatre nobles vérités. J'espère que certains des yogis ici présents vont pouvoir réussir à comprendre les quatre nobles vérités. Okay, that's all for today. May you follow the novel echo path and obtain Dharma victory. May you understand the four noble truths in your daily meditation practice. Sadhu.